mannequin tombe dans un gobe. Les belles filles appellent au secours. Même le sida appelle en témoin. J'aime, j'aime, j'aime, j'aime le beau. Je hais, je hais, je hais le laid. Je hais, je hais, je hais.